Paul la reine, la belle pluviote. Vous saurez donc, commença le conteur, car je confesse connaître seulement par ouï dire cette histoire dont plusieurs personnes dignes de foi pourraient d'ailleurs garantir l'authenticité. Vous saurez donc que la pluviote est une sorte de gibier d'étang assez coquet dans son luisant pelage et qui tient à peu près le milieu entre la bécassine et la poule d'eau. Vous saurez encore qu'à la suite de peines d'amour, comme il en pleut vers la quarantaine, sur ceux qui ont gardé le cœur tendre sans s'apercevoir que leur barbe blanchit, j'étais venu, voici déjà longtemps, m'établir ermite en Camargue. Ermite, c'est le mot. J'ai vu les ermitages des Alpes, dans les pays où montent les bergers, mais aucun, sur son pic autour duquel s'étend une mer muette de montagnes, ne me sembla plus désespérément abandonné que la cabane de roseaux et de terre battue, toute pareille à celle-ci, qui, 6 mois durant, me servit d'asile. C'était à pas mal de lieux de l'endroit où nous nous trouvons, par-delà le Vacarès, dans la région du Petit Rhône. Mais de Fourques à Pharamand et des Saintes-Maries à la tour Saint-Louis, la Camargue partout se ressemble. Partout des étangs et des chaussées, partout des tamaris que le vent marin empêche de grandir. Partout, sur le limon imprégné de sel, la rampante verdure des anganes. Et pour unique fleur, ça et là, des prairies de saladelles à ce point serré et d'un azur si tendre que parfois l'œil s'y trompe et croit voir, entre deux palins, une étendue d'eau un peu plus bleue. J'allais parfois jusqu'à la mer, dont la voix là-bas s'entendait, jusqu'à la plage infinie et blanche. Assis sur un débris de mât, je regardais passer les barques. Mais la mer, les barques, c'était encore la vie que je voulais oublier. Et je repassais bien vite les dunes, trouvant une solitude plus complète, d'amertume, plus à mon goût, dans ces paysages vagues et sans horizon, plaines fuyantes, interminables, dont les habitants, quand ils ne sont pas juchés sur leur haute selle, n'ont d'autres ressources pour regarder au loin que de grimper à une poutre garnie d'échelons et fichée en terre. Un vieil homme, mon voisin le plus rapproché, sa cabane n'étant qu'à une bonne demi-lieue de la mienne, messager, pêcheur, braconnier, cueilleur de joncs verts, fort soupçonné de contrebande et particulièrement mal vu des douaniers, m'apportait ma nourriture 2 fois par semaine. On ignorait son nom. Venu un jour, je ne sais d'où, les gens l'appelaient Lou Maritimes, et ce sobriquet de mauvais temps paraissait assez en rapport avec l'étrangeté du personnage. Bref, à part quelques livres que je n'ouvrais guère et certains projets de romans dont le premier chapitre seul fut écrit, je menais l'existence des gardiens. Mes voisins, satisfaits d'avoir pour seuls compagnons et seuls amis ces hardis garçons de qui la sauvage fierté faisait honte à mon lâche cœur et que je voyais à cheval du matin au soir, par la plaine, par les marais, pousser leurs troupeaux de cavales libres et ramener à coups de trident le groupe galopant des taureaux, heureux, joyeux, sans plus de soucis, malgré leurs 20 ans, de l'amour et de la femme, qu'un moine dans sa cellule ou qu'un matelot en mer. En quoi je blasphémais sottement. Dans les pays les plus perdus, au fond des âmes les plus farouches, bien ou mal, de façon ou d'autre, toujours l'amour retrouve son compte. Suivant les mœurs, les circonstances, le besoin d'aimer se transforme. Mais rien ne saurait l'abolir. Et, si vous voulez m'écouter, j'espère que la suite de mon aventure vous le prouvera. Un soir, à pareille saison, vers l'heure où les jeunes taureaux beuglent au soleil, qui tombe, attardé quelque peu, je me hâtai de rentrer au logis en suivant une assez étroite levée. Tout à coup, dans cette illumination de nos couchants, qui dort, unit une moitié du ciel, et fait, au milieu des flaques d'eau, reluire les touffes de joncs comme des baguettes de bronze, il me sembla voir une femme. « Tu te trompes, » pensais-je, « sur ces vastes espaces où rien ne sert à l'œil de point de comparaison, le moindre objet paraît gigantesque, et l'illusion est fréquente. Ce que tu prends pour une femme assise se trouvera, en y regardant de plus près, une pierre encroûtée d'écume, ou bien quelques buissons emperlés de petits limaçons blancs. » Et comme la vision remuait, peut-être aussi un flamand qui va partir, montant tout droit et laissant voir le dessous rose de ses ailes. Que ferait une vraie femme, ici, au fond de ce désert? D'autre part, je suis un saint de trop mince importance pour que le diable, s'il existe, me traite comme saint Antoine et dérange les dames de sa cour en mon honneur. C'était pourtant bien une femme. Je voulais fuir, l'éviter. Une curiosité enfantine me retint. Et puis l'idée m'en était venue trop tard. Dressée à mon approche, elle s'avançait vers moi, lentement, fièrement, n'ayant pas même l'air de me voir. La chaussée, comme je vous l'ai dit, était étroite. Nous nous frôlâmes. Je la saluai, elle sourit et passa. Vêtue avec un luxe quelque peu sauvage, non pas à la mode arlésienne, mais à la mode de Paris, elle avait des bijoux, un collier de perles. Ses bottines à fins talons faisaient craquer le sel des herbes que la traîne de sa robe balayait, mêlant aux âpres senteurs marines, je ne sais quel parfum, à la fois plus fort et plus doux. À son profil, à son allure et sans la modernité fantasque du costume, on ne se fût pas figuré autrement la reine Jeanne égarée en chasse. Éblouie de l'apparition, je comptais interroger Mary Thames. Bien que l'heure du souper approchât, je ne le trouvais pas dans sa cabane. Je finis par l'apercevoir en l'air, perché au bout d'une poutre à échelons et tenant une de ces conques marines percées à la pointe dont se servent encore les gens des bords du Rhône. Mais comme je m'apprêtais à le héler, il souffla dans son instrument barbare et en fit sortir un tel mugissement que les tamaris frissonnèrent et qu'un vol de canards filant en triangle vers l'occident changea subitement sa route et s'abattit. À ce signal, un cavalier parut, droit sur ses étriers, regardant, puis un second, puis un troisième. Je reconnus Véran, Francesse, Barcarin, trois gardiens, mes amis tous les trois. Francesse, arrivé le premier, avait déjà pris la belle en croupe. Il l'emportait, donnant de l'éperon. Elle se laissait faire et riait. Véran et Barcarin galopaient par derrière. « Vous l'avez vu ?» me demanda Mary Thames, enfin descendue, et qui, voyant combien ma stupéfaction était grande, crut devoir, pour la circonstance, se départir de son ordinaire taciturnité. « Vu ? Qui donc vu ? La reine Jeanne ?» « Ah vaille ! De reine Jeanne comme ça, il y en a de pleines maisons, Arles. C'est la Pluviotte, une mauvaise fille ainsi nommée, parce que, faute sans doute de trouver assez d'amoureux à la ville, elle vient chercher fortune dans les marais. » Et Mary Thames m'apprit que, tous les mois, tous les 2 mois, suivant l'occasion d'une voiture ou d'un bateau, la pluviotte se faisait descendre en Camargue. Lui, Mary Thames, annonçait l'aubaine, bravement, sans penser à mal. « Que voulez-vous? Nos gardiens sont enragés d'elle et n'y plaignent pas leurs écus. Ici, la femme est denrée rare et l'appétit de la jeunesse fait passer sur la qualité du pain. Mais s'il y a des jaloux, les coups de trident doivent marcher. Eux, pécaires et jaloux? Écoutez plutôt. » C'était la conque de Frances avertissant les camarades. Et comme un coq répond au coq, de tous les coins de l'horizon, d'autres conques lui répondaient, sonnant le rappel de l'orgie. Se scandalise qui voudra. Dans ce cadre d'un pittoresque violent, la sirène n'était pas sans grandeur. Un instant, l'avouerai-je, je me sentis ému. Un instant, j'admirai la courtisane imposant ainsi, comme au temps primitif dont parlent les Bibles, à tout un peuple mi-sauvage, la tyrannie de sa beauté. Mais le lendemain, au grand étonnement du Mary Thames, je quittai la Camargue, et ses solitudes, pour moi désormais, peuplées de visions.